Au fil des jours, des amis étrangers formulent plus vivement le respect infini envers le général Kim Jong-il. Le président d'honneur de l'Union des communistes bulgares a affirmé que la réalité de la Corée, manifestant la puissance de l'État socialiste tutsi, est impensable à l'égard de la direction de son excellence Kim Jong-il, et exalté qu'il a transformé la Corée en forteresse invincible fière de l'unité monolithique par son originale politique de Sun-gun durant plus d'un demi-siècle. Le président du comité préparatoire birman pour le rendez-vous en l'honneur des Gongsun Baekdesan 2017 a rendu l'hommage le plus sublime au camarade Kim Jong-il à l'occasion des 5 ans de son décès et souligné qu'il reste toujours vivant dans le cœur de l'humanité progressiste pour ses activités énergiques dévouées à l'édification d'un nouveau monde où est matérialisé l'idéal d'indépendance, de paix et d'amitié. Par ailleurs, le président du Conseil suprême du nouveau parti socialiste romain a dit que Kim Jong-il a publié son œuvre classique « Le socialisme est une science » pour ainsi argumenter la justesse, la pertinence et la certitude de la victoire du socialisme en tant que science et affirmer que son œuvre est un manuel de valeurs de guide et un ouvrage de programme pour l'humanité progressiste attachée au socialisme.